Bon, alors la semaine, la trompette au bout d'une petite semaine de travail, j'arrive à faire 5 notes. C'est la misère, c'est super dur. Parce que en fait, 80% du boulot, je connais, c'est pas avec les pistons, c'est avec la bouche. Les lèvres, c'est super subtil en fait. Ah, je reprends.

Thank you.